Un soldat américain en Corée du Sud a commis la violence sexuelle à une femme sud-coréenne, selon la radio sud-coréenne MBC datée du 14. Le matin du 1er avril dernier, ce criminel de la base de l'aviation américaine d'Osan a violé une sud-coréenne dans un hôtel situé à l'arrondissement de Gangnam, Séoul.